Nick NCAA avec notre ami Wallet du site internet leblitznfl.com. Salut Wallet. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, la nouvelle de la semaine, c'est la blessure de toi. Toi. On le dira pas, là. Tua Tagovailoa. Ouais, le corps d'Alabama. Donc, j'ai bien de la misère à le prononcer. J'ai deux questions là-dessus. Est-ce que la première. Qu'est-ce qui va arriver avec Alabama? Est-ce qu'Alabama, le corps est capable de faire la job pour espérer encore une participation aux éliminatoires, le deuxième corps? Et quel sera son impact sur le repêchage? Est-ce qu'il va être dans le top 10? Est-ce qu'il va y aller pour une autre année aussi? C'est une possibilité également là, qu'il fasse une année senior. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, toi? Ben écoute, c'est deux excellentes questions. Là. Je pense que on l'a vu cette saison. Là, Tua Tagovailoa s'était blessé, je pense, il y a environ un mois. Puis Mac Jones l'avait remplacé. Il avait bien fait lors d'un match relativement facile, si je me rappelle bien. Ouais. Alabama jouait contre Missouri cette semaine-là. Donc c'est un match facile. L'impact que ça va avoir, je pense que en ce moment, c'est quand même difficile à dire. Il y a des fervents partisans, des journalistes qui sont affectés à la SEC, qui eux disent ah, si Alabama sont en mesure de détruire Auburn avec leur corps arrière, leur deuxième corps arrière, ils méritent de faire les éliminatoires. Moi, je continue de penser que si tu n'es pas en mesure de remporter ta conférence, ce qui ne sera pas le cas avec Alabama, j'ai un peu de la misère à les favoriser. Puis, je pense que Mac Jones va bien faire. Ils ont tellement des bons receveurs, le Jerry Jeudy, puis Devontae Smith. C'est vraiment des bons receveurs qu'Alabama ont cette saison. Le top 3 de leurs receveurs, là, c'est trois gars qu'on pourrait facilement le voir dans le prochain repêchage, dans la première ronde. Donc, c'est assez exceptionnel. Puis justement, parlant là, du repêchage, là, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je pense que à ce moment-là, ça va être vraiment à toi de s'asseoir avec potentiellement sa famille, que ce soit avec l'Université d'Alabama ou potentiellement qui deviendrait son agent dans la NFL. Je pense qu'il y a un certain risque à vouloir partir puis se faire repêcher tout de suite. L'avantage Tua aurait de se faire repêcher cette saison, c'est que tu ne te fais pas repêcher par Cincinnati ou Miami ou dire une des équipes terribles que tu as toute la pression sur les épaules de ramener la gloire dans cette ville-là. Si t'es toi, puis tu chutes au repêchage, puis tu te fais repêcher, exemple, par une équipe comme les Panthers de la Caroline, qui ont une très, très bonne équipe. Moi, je vois déjà comme des flemmèches avec Tua, puis Christian McCaffrey. Je pense que ça pourrait être exceptionnel. Donc, ça va être vraiment de voir là, qu'est-ce que les veux pas le mot, il se passe dans la NFL, puis il va avoir un pouls pour qu'est-ce que Tua vaut, est-ce qu'il va sortir haut, est-ce qu'il va pas sortir haut. Moi, j'ai l'impression qu'il va prendre sa chance, puis probablement revenir à Alabama pour une dernière saison. Puis là, c'est de savoir est-ce qu'il va être prêt en 2020 ou en 2021, parce que les derniers échos là, qu'on a entendus par rapport à sa blessure, c'est qu'il serait complètement remis à 100% pour être en mesure de revenir faire des pratiques au mois d'avril ou au mois de mai. Donc, si c'est le cas, puis que Tua est en santé, on pourrait voir Tua revenir pour Alabama en 2020. Puis je pense que ça serait le fun, Tua. Ben pour le senior, parce que senior, là, il va être une année senior là, en 2020. Ouais. Et est-ce que ça va être, tu sais, je veux dire, c'est un risque aussi. S'il ne connaît pas l'année, ben quoi qu'Alabama, c'est quand même tout un programme. Là, il va être encore, Alabama va être dans les 10 premiers. Mais un cas ailleurs où un joueur universitaire qui décide de faire une année senior, souvent, s'il ne connaît pas une bonne année, ben c'est des pertes de millions de dollars. Hein. Oui, ça, tu as raison, mais en ce moment, il perd déjà ces millions de dollars-là parce que. D'après moi, je pense que Tua, en ce moment, c'est un choix risqué. Regarde, ça reste que c'est un excellent joueur, c'est un bon corps arrière, puis je veux rien y enlever du fait qu'il y a des bons receveurs, mais on s'en fait de cachette, il était fragile. Là. Il y a eu deux grosses blessures cette saison, une blessure l'année dernière. Il n'est pas tout le temps le même sous la pression. Moi, je pense qu'il perd déjà ces millions-là. Donc, il y a peut-être un avantage à revenir puis de connaître une année exceptionnelle, d'être le Tua qu'on s'attend de lui, mais sans le trio de receveurs qu'on est habitué de voir, puis de se faire un nom encore meilleur, puis potentiellement gagner le Heisman, parce qu'on ne sait pas qu'à chaque fois, si Tua sort cette saison pour être dans la NFL, il va faire partie des meilleurs joueurs à ne jamais avoir gagné le Heisman. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il veut. On va voir. Je pense que ça va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que Tua va faire là, Parce que pour là, son âme? est-ce qu'actuellement, avec sa blessure, il sortirait du top 10? Oui, hein? Ben, encore là, c'est difficile à dire. T'sais. Il suffit juste que Tua ait rencontré le médecin d'une des équipes de la NFL, puis que le médecin dise Ouais. non, moi je sais que sa blessure, c'est pas grave, puis c'est moins grave qu'on le pense, puis le chirurgien qui a fait l'opération a fait un excellent travail. Moi, j'ai l'impression que Tua peut revenir en santé. Il peut sortir de top 10, mais la blessure est relativement grave que ça pourrait le faire chuter Parce que là, considérablement. il est fragile actuellement. Tu l'as dit, il est fragile. S'il est remis de cette blessure-là, il a prouvé par le passé qu'il était fragile quand même. Il y a trois blessures en 2 ans. Là. Tu Bon, sais, je exactement. m'appelle une équipe de la NFL, là, je me pose des questions. Ah, c'est sûr à 100%. Puis surtout quand tu mets un choix de première ronde sur un Ouais. joueur, c'est beaucoup d'argent. Moi, j'ai l'impression que ça reste un talent. Ben, c'est un talent de première ronde. Puis j'ai l'impression que s'il décide d'aller jouer dans la NFL, il va quand même sortir en première ronde. Mais je serais pas surpris de voir une équipe qui. En fin de première ronde, un peu comme qu'on avait vu Baltimore fait revenir en première Ouais. ronde pour repêcher Lamar Jackson. Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait avoir avec Tua en avril 2020. Ouais, on va suivre ça d'après. Je vais parler des Golden Gophers de Minnesota. C'est une équipe que j'ai appris à découvrir cette année. Je les avais rarement vu des top 25. Toi, Wallet, de mémoire, ça fait longtemps que je suis la NCAA. Ça faisait longtemps que je ne les ai pas vus dans le top 25. Et là, ils ont perdu contre l'Iowa. Fait que, à quelque part, est-ce que c'est la balloune a commencé à dégonfler ou Ben, je serais pas prêt à dire que la balle a commencé à dégonfler parce qu'on se rappellera, le Iowa sont réputés pour être une, même si c'est une petite université un peu au milieu de nulle part, c'est une place qui est extrêmement difficile à jouer. Il y a 2 ans, Ohio State avait perdu quand il était invaincu à Iowa. V'là 3 ans, c'était Michigan qui avait perdu contre les Hawkeyes sur la route. Donc, c'est pas non commun de voir une bonne équipe Okay. aller perdre sur la route. Puis, je regarde les statistiques là, de ce match-là. Je ferai pas de cachette, j'ai pas porté tant d'attention à ça. J'ai regardé les highlights. Je pense que qu'est-ce qui a vraiment fait la différence, c'est la défensive au sol de Iowa est en mesure de Okay. complètement stopper les Golden Gophers. On parle de seulement 63 verges en attaque au sol. Donc, ça va avoir fait mal à l'équipe. La défensive des Hawkeyes est excellente. Ils ont beaucoup de joueurs talentueux. Un gars comme AJ Epenesa, qui est un defensive end, on parle d'un gars qui va sortir top 5 là, dans le prochain Okay. repêchage. Il y a 2,5 sacs du corps dans ce match. Il était tout le temps dans le champ arrière à mettre de la pression. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence dans ce match-là. Minnesota reste une très belle équipe. Ça reste une équipe Cendrillon, selon moi. J'espère qu'ils vont être en mesure de se qualifier pour un des 6 bowls majeurs, même si ce ne sera pas Okay. les éliminatoires. On parle des éliminatoires maintenant. LSU, Ohio State, Clemson, Georgia. LSU et Georgia. Il y a Alabama qui est pas loin non plus. C'est les cinq, ils en prennent quatre. Qui tu vois qui va rentrer? On peut Ben, mettre Oregon aussi, Oregon aussi, là, mais. en ce moment, ça te les a nommés là, LSU, Ohio State, Clemson. Puis Clemson, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début de la Ouais. saison, ils ont entendu mes chroniques avec toi, Danny. J'ai été un peu difficile avec eux. Ouais. J'ai pas tout le temps eu des beaux mots, mais en fin de semaine, j'ai pris le temps de les regarder jouer. Puis c'était le Clemson de 2018. Cette équipe-là est talentueuse. Et je pense que leur défensive, même s'ils ont des joueurs un peu moins connus que l'an dernier, je pense que sur papier, ils sont meilleurs qu'ils l'étaient l'an dernier. Fait que, donc, moi, LSU, Ohio State, puis Clemson, c'est un top 3, je pense que ça va rester ainsi. Je me vois mal une de ces équipes-là pas faire les éliminatoires. Puis après ça, ben, s'il fallait que Georgia remporte leur match contre LSU en finale de la SEC, je pense que Georgia va se classer, puis LSU resterait dans le top 4. Puis sinon, ben, moi, qu'est-ce que je veux continuer de voir, puis ça va être vraiment gros là, dans les prochaines semaines. T'as Oregon puis Utah qui continuent à cogner à la porte à la porte des éliminatoires. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux équipes-là ont seulement une défaite. Dans le cas d'Oregon, on va s'en rappeler, c'était à la semaine 1 contre Auburn. C'est deux équipes qui se déplacent en Arizona cette semaine. Oregon sont à Phoenix pour affronter Arizona State, puis Utah sont à Tucson pour affronter les Wildcats de l'Arizona. Donc, deux matchs que moi, je vais suivre parce qu'on veut voir ces deux équipes-là rester invaincues, s'affronter en finale de la Pac-12. Je Ouais. pense que si LSU devait battre Georgia, puis que les Oregon puis Utah restent invaincus, le champion de la Pac-12 va se qualifier pour les éliminatoires. Puis je pense que c'est deux équipes qui mériteraient d'être là cette saison. OK. On va y aller avec les matchs de la semaine. Le match de la semaine, c'est sur Fox à midi samedi. Penn State contre Ohio State. Tout un match. C'est un gros match pour Ouais. commencer notre Ouais. samedi, là. Numéro 9 qui joue contre numéro 2. En ce moment, c'est assez surprenant, mais Ohio State, si je ne me trompe pas, sont favoris par 18 points pour Ouais. remporter le match. On l'a vu depuis le début de la saison, c'est l'équipe qui marque le plus de points, puis c'est l'équipe qui en accorde le moins. Ils sont impressionnants dans toutes les facettes du jeu, mais Penn State, ils ont une offensive qui est capable de faire bouger le ballon, de le faire avancer. Donc, ça va être un match intéressant, là. Je pense qu'Ohio State devrait gagner ce match-là, mais ça va être un bon match de football. Puis comme je l'ai dit, ça commence bien notre samedi. Ça Ouais. commence une grosse fin de semaine de football en général pour les amateurs canadiens. Donc, c'est sur Fox vendredi, samedi midi. Hein? Aussi, il y a le match qui est présenté sur ABC. C'est 19 contre 13. C'est Baylor qui affronte Texas. Le match est lié à Baylor. Non, c'est pas sur ABC, c'est sur Fox Sports One. Donc, on ne l'aura pas au Canada. C'est le deuxième match qu'il faut surveiller. Ouais, puis je pense que dans ce cas-là, on se bat un peu pour la troisième place dans Ouais. la Big 12. Je pense pas que la Big 12 soit complètement éliminée des éliminatoires en ce moment. Je pense que si Oklahoma reste invaincu, puis qu'il y a d'autres équipes qui perdent devant eux, il y a possibilité qu'ils fassent les séries. Mais il faut que Baylor continue de gagner parce qu'on le sait, Baylor puis Oklahoma vont se réaffronter en finale de la Big 12. Donc, faut que Baylor soit décisif dans ce match-là. Faut qu'il batte Texas faut qu'il batte de belle façon, puis que ça donne des chances justement à Oklahoma de paraître encore mieux quand ils vont les réaffronter dans 3 semaines. Donc, c'est le match qu'on va surveiller de près. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine, mon cher Wallet. Oui, ben oui, je Ouais. pense qu'on va avoir du bon football. Effectivement, donc du site internet Wallet du Blitz NFL.com.